fait route à l'ouest vers Jack London. Depuis cette semaine, le Mary Rogers voguait entre 50 degrés sud dans l'Atlantique et 50 degrés sud dans le Pacifique. Autrement dit, depuis cette semaine, ce navire s'est forcé en vain de doubler le cap Horn. Durant ce temps, il n'avait pas cessé de rouler dans la tempête, ou à peu près, sauf une fois, et cette fois-là, après 6 jours d'un grain terrible, passé par le Mary Rogers sous l'abri de la côte redoutable de la Terre de Feu, il avait presque abordé par une violente houle dans le calme plat tombé soudain. Pendant cette semaine, il s'était débattu contre les flots du Cap Horn et ceux-ci l'avaient houspillé et impitoyablement meurtri. C'était un bateau en bois et cet effort continuel avait ouvert ses joints, en sorte que 2 fois par jour, les bordées se remplaçaient aux pompes. Le Mary Rogers était exténué, son équipage aussi, de même que le capitaine, le gros Dan Cullen. De tous, c'était probablement celui qui était le plus harassé, car sur lui pesait la responsabilité de cette bataille de titans. Il ne dormait que rarement, et presque toujours tout habillé. La nuit, il hantait le pont, grand spectre corpulent et robuste, noirci par le hâle de 30 années de mer, et velu comme un orang-outan. Il était obsédé par une pensée unique, une instruction nautique pour le Cap Horn, quoi qu'il advienne, fais route à l'ouest, fais route à l'ouest. Il ne songeait à rien d'autre, sauf parfois, à blasphémer Dieu qu'il accusait de cette terrible tempête. Faire route à l'ouest. Il serrait le Horn et 12 fois de suite il mit en panne avec l'inexorable cap à 20 milles dans l'est-nord ou le nord-nord-est. Et à chaque reprise, l'éternel vent d'ouest le repoussa en arrière et il fit route à l'est. Il essuya tourmente sur tourmente au sud du 64e degré, dans les glaces antarctiques en dérive, et voit son âme immortelle au puissant des ténèbres, en échange d'un léger vent d'est, juste de quoi doubler. Et il fit route à l'est. En désespoir de cause, il avait tenté de traverser par le détroit de Lemaire. Mais à mi-chemin, le vent passa nord-nord-ouest, et le baromètre descendit à 733. Il dut virer de bord, et s'enfuir devant un grain furieux comme un cyclone, et il s'en fallut d'un cheveu, que le Mary Rogers ne vint se fracasser sur les rochers aux dents noires. À 2 reprises, il avait fait route à l'ouest jusqu'au récif de Diego Ramirez et n'avait échappé qu'en apercevant, entre 2 tourments de neige, les tombes des navires à 1/4 de mille devant lui. Quel vent ! Le capitaine Cullen jurait que pendant ses 30 années de mer, jamais il n'avait soufflé si fort. Le Mary Rogers était en panne à ce moment précis. Et comme pour confirmer le témoignage du capitaine, le bateau était submergé jusqu'aux écoutilles. Son grand hunier neuf et le mât de misaine, tout flambant neuf lui aussi, furent balayés comme du papier de soie. 5 voiles ferlées et amarrées sans double garcette, détachées et arrachées des vergues. Et avant le jour, le Mary Rogers fut 2 fois encore mis à la cape et il fallut percer des trous dans les bastingages pour soulager les ponts du poids de l'eau qui faisait sombrer le bateau. Une fois par semaine en moyenne, le capitaine Dan Cullen apercevait de faibles rayons de soleil. Un jour à midi, l'astre brilla 10 minutes, et 10 minutes plus tard se déchaînait un nouveau grain. Les 2 quarts diminuèrent la toile, et la tempête de neige enveloppa toute chose de ses ténèbres. Pendant toute une quinzaine, le capitaine Cullen ne put ni calculer sa latitude, ni vérifier son chronomètre. Et il ne connaissait guère sa position qu'à 0,5 degré près, excepté lorsque la terre était en vue, car le soleil et les étoiles se dissimulaient derrière les nuages et il faisait si noir qu'aux meilleurs instants, le vague horizon ne permettait guère des observations précises. Un voile gris recouvrait le monde. Les nuées étaient grises. Les grands flots qui couraient rapides d'un gris de plomb. Leurs crêtes fumantes, une écume grise. Les rares albatros eux-mêmes étaient gris, comme le paraissaient également les flocons de neige qui perdent leur blancheur sous le sombre linceul des cieux. La vie à bord du Mary Rogers était aussi grise, grise et lugubre. Les visages des matelots étaient d'un gris bleuâtre. Ils étaient affligés de plaies de furoncles de mer et souffraient cruellement. Ce n'étaient que des ombres humaines. Durant 7 semaines, dans le poste d'équipage ou sur le pont, ils ne surent pas ce que c'est que d'être sec. Ils avaient oublié comment on dort lorsqu'on n'est pas de quart. Toutes les 4 heures, c'était invariablement le même cri « Tout le monde sur le pont !» et ils ne faisaient que de petits sommes dans leur sourois, prêts pour l'incessant appel. Telle était leur faiblesse et leur épuisement qu'il fallait deux bordées pour accomplir la tâche d'une seule, et aucune de ces ombres d'hommes ne pouvait se soustraire à son travail. Seule une jambe cassée eût permis à un matelot de quitter son poste. Il y en avait deux, dans ce cas-là, que des vagues passant par-dessus bord avaient roulé et écrabouillé. Un autre n'était non plus que le souvenir d'un homme, Georges Doretti, l'unique passager du bord, un ami des armateurs, qui voyageait pour raison de santé. Mais cette semaine de Cap Horn ne l'avait pas amélioré. Il haletait, à bout de souffle, dans sa couchette, aux secousses continuelles des interminables nuits, et montait sur le pont, emmitouflé à un tel point qu'il ressemblait à une boutique de fripiers ambulante. Au repas de midi, à la table de la cabine, plongée dans une nuit si profonde que les lampes suspendues au plafond demeuraient toujours allumées, il avait le visage aussi gris, aussi sinistre, que le plus malade et le plus triste des hommes du poste d'équipage. Et le fait de regarder par-dessus la table le capitaine Dan Cullen ne lui procurait aucun soulagement. Le capitaine mastiquait, fronçait les sourcils et ne disait mot. Sa mauvaise humeur s'adressait à Dieu et à chaque bouchée il répétait. Le seul leitmotiv important à l'heure actuelle, faire route à l'ouest. C'était un gros animal hirsute et son aspect n'était pas de nature à aiguiser l'appétit de son convive. Il considérait Georges Doretti tel un Jonas et le lui témoignait après chaque repas, transférant de Dieu à son passager sa grimace sinistre. Le second ne s'avérait pas non plus d'un grand secours pour un appétit languissant. Josué Higgins, marin par profession et par nécessité, n'était qu'un individu égoïste, sans cœur et lâche par-dessus le marché. Il avait du patron une fousse intense, mais pour les matelots c'était une vraie brute. L'équipage savait que, derrière le second, il y avait le capitaine Cullen, le législateur et l'exécuteur de la loi, le maître terrible, qui valait à lui seul une douzaine au moins de secondes occasions. Par ce temps farouche, à l'extrémité sud du globe, Josué Higgins ne se lavait plus. Aussi son visage crasseux enlevait ordinairement à Georges Doretti le peu d'appétit qu'il possédait. En temps normal, ce coupable manque de soins aurait attiré l'attention du capitaine et débridé son vocabulaire. Mais pour l'instant, faire route à l'ouest constituait son unique souci. Que la binette du second fût propre ou sale, peu importait. Plus tard, une fois passé le 50e degré sud dans le Pacifique, Josué Higgins devrait se débarbouiller, de gré ou de force. Pendant ce temps, Georges Doretti prenait place à la table de la cabine, où le gris crépuscule alternait avec la lueur des lampes entre ces deux personnages, l'un tigre et l'autre hyène, se demandant pour quelle raison Dieu avait pu les mettre au monde. Le premier maître, Matthew Turner, était lui un vrai marin et un homme, mais Georges Doretti ne jouissait pas de sa compagnie, car Turner mangeait tout seul quand les autres avaient fini. Le matin du samedi 24 juillet, Georges Doretti s'éveilla avec une sensation de vie et de mouvement impétueux. Quand il monta sur le pont, il vit le Mary Rogers qui courait à grand air sous un vent mugissant du sud-est. On avait établi que les bâtonniers et la voile de misaine, c'était tout ce que le navire pouvait porter, et il filait cependant 14 nœuds, comme ce Turner le hurla dans l'oreille de Doretti lorsque celui-ci parut sur le pont. Et c'était plein ouest. Enfin, on allait doubler le Cap Horn, si le vent tenait. Mais ce Turner semblait être au comble de l'allégresse. On apercevait le terme de la lutte. Pourtant, le capitaine Cullen n'avait pas l'air heureux. En passant, il jeta à Doretti un regard de travers. Le capitaine Cullen ne tenait point à laisser croire à Dieu que ce vent le satisfaisait. Il s'imaginait un Dieu méchant et croyait tout au fond de son âme que si Dieu se rendait compte que c'était là un vent favorable, il les remédierait sans tarder en le remplaçant par un ronfleur de l'ouest. Aussi le capitaine ne bronchait-il pas devant Dieu, masquait sa joie sous un froncement de sourcils et de sourdes malédictions pour déjouer ainsi Dieu. Dieu, le seul être au monde que redouta Dan Cullen. Toute la journée, toute la nuit du samedi, le Mary Rogers courut sa route à l'ouest, marquant régulièrement au lore ses 14 nœuds, en sorte que le dimanche matin il avait couvert 350 000. Si le vent persistait, le navire doublerait le Horn. S'il tombait qu'un ronfleur quelconque d'entre sud-ouest et nord s'avisa de souffler, le Mary Rogers serait refoulé en arrière, guère plus avancé que cette semaine auparavant. Or, ce dimanche matin, le vent tomba effectivement, la grosse mer diminuait de hauteur et se calmait. Les deux bordées établissaient voile sur voile aussi vite que le permettait le navire. et le capitaine Cullen, faisant les 100 pas sur le pont, défiait maintenant Dieu en fumant un énorme cigare avec un sourire de jubilation comme si la tombée du vent l'exaltait, tandis qu'au tréfonds de lui-même, il pestait contre Dieu qui prenait la vie de ce vent béni. Faire route à l'ouest, oui, il le ferait, si seulement Dieu consentait à le laisser en paix. En secret, elle se livrait de réchef aux puissants des ténèbres, si elle lui permettait de filer encore à l'ouest. L'effort ne lui coûtait pas grand-chose. En réalité, il n'admettait qu'un Dieu, et dans sa théologie à rebours, il se représentait Dieu comme le prince des ténèbres. Le capitaine Cullen était plutôt un adorateur du diable, qu'il appelait d'un autre nom, voilà tout. À midi, après les 8 coups de cloche, le capitaine commanda « Hissez les cacatois !» Les hommes grimpèrent au haut des mâts plus prestement qu'ils ne l'avaient fait depuis des semaines. La route actuelle à l'ouest leur donnait non seulement cette agilité, mais aussi le bienveillant soleil qui réchauffait et assouplissait leurs membres raidis. George Doherty, debout à l'arrière près du capitaine Cullen et moins vêtu que d'ordinaire, se baignait lui aussi dans la douce chaleur en contemplant la scène. Tout à coup, rapide et brusque, survint l'incident. De la vergue du cacatois de misaine, on entendit le cri « Un homme à la mer !» Quelqu'un lança par-dessus bord une bouée de sauvetage, et au même moment parvint à l'arrière la voix du premier maître, tonitruante et péremptoire « La barre dessous, toute !» Mais le timonier ne fit pas tourner sa roue d'un seul rayon. Il savait à quoi s'en tenir, car le capitaine Cullen se tenait à côté de lui. Il aurait voulu faire tourner un rayon, tous les rayons, bloquer sa roue, la bloquer à fond pour son camarade qui se noyait. Il jeta un coup d'œil au patron, mais celui-ci ne broncha pas. « Dessous, dessous toutes !» hurla le second maître, se précipitant à l'arrière. Mais il s'interrompit net et resta interloqué en voyant Dan Cullen près de la barre. Le gros Dan Cullen tira quelques bouffées de son cigare sans dire un mot. On apercevait encore le matelot disparaissant rapidement en arrière. Tous ses camarades se taisaient, immobiles. Là-haut, les hommes sur les vergues de cacatois suivaient le drame avec des visages effarés, et le Mary Rogers poursuivait sa route, donnant sa route à l'ouest. Une longue minute de silence s'écoula. « Qui est-ce ? » demanda le capitaine. « Mops, mon capitaine, » répondit aussitôt l'homme. Mops s'éleva en arrière sur la craie d'une vague pour disparaître ensuite dans le creux de la suivante. La mer était grosse, mais pas démontée. Un petit canot pouvait tenir facilement, dans une mer pareille, comme aussi le Mary Rogers venir au vent sans un écroche. Mais impossible de virer de bord et de faire en même temps route à l'ouest. Pour la première fois de sa vie, George Doherty assistait à une vraie tragédie de vie et de mort. Un petit drame sordide sur un des plateaux de la Balance se tenait un matelot inconnu, un homme et Mops, à quelques milles de longitude. Tout d'abord, il avait regardé l'homme, là-bas derrière, mais à présent il observait le gros Dan Cullen, noir et hirsute, nanti du pouvoir de vie et de mort, et qui continuait de fumer son cigare. Le capitaine Cullen fuma en silence une autre longue minute, puis il tira son cigare de sa bouche, leva les yeux vers les mâts du Mary Rogers et promena son regard sur la mer par-dessus la lisse. « Bordez les cacatois !» cria-t-il. Un quart d'heure après, les trois hommes étaient assis dans la cabine, devant la table servie. Du côté de George Doherty, Dan Cullen, le tigre, et de l'autre, Josué Higgins, l'hyène. Aucun d'eux ne soufflait mot. En haut, les hommes bordaient les cacatois. George Doherty les entendait hurler, tandis que le poursuivait la vision persistante d'un homme appelé Mops, vivant et plein de vigueur, accroché à une bouée de sauvetage, à des milles en arrière dans ce désert liquide. Il regarda le capitaine Cullen, éprouva une sorte de nausée, à voir l'homme avaler son repas avec appétit, presque comme s'il le savourait. « Capitaine Cullen, dit Doherty, vous avez le commandement de ce bateau, et il ne m'appartient pas de juger actuellement votre manière d'agir. Cependant, permettez-moi de vous dire une chose, il existe une vie future et vous grillerez en enfer. » Le capitaine Cullen ne sourcilla pas. Il y avait une pointe de remords dans sa voix quand il répondit. Il soufflait une épouvantable tempête, impossible de sauver l'homme. Il est tombé de la vergue du cacatois, cria Doherty avec colère. Vous faisiez mettre les cacatois à cet instant précis, la tempête n'était pas si terrible. C'était bien une épouvantable tempête, n'est-ce pas, monsieur Higgins ? Interrogea le capitaine Cullen en se tournant vers le second. « Si vous étiez venu au vent, toute la mâture eût été arrachée, » répondit celui-ci. « Vous avez fait ce qu'il fallait, capitaine Cullen. » L'homme n'avait pas l'ombre d'une chance. George Doherty ne répliqua pas, et jusqu'à la fin du repas, aucune parole ne fut prononcée. Ensuite, on servit Doherty dans sa cabine. Le capitaine Cullen cessa de le regarder de travers, encore que tous deux se tinssent quoi, tandis que le Mary Rogers filait rapidement au nord vers des latitudes plus chaudes. À la fin de la semaine, Dan Cullen accula Dorothy dans un coin du pont. « Qu'avez-vous l'intention de faire à notre arrivée à Frisco ?» demanda-t-il brusquement. « Réclamer un mandat d'arrêt contre vous ?» répondit lentement Dorothy. « Vous accusez d'assassinat et vous voir pendre. »« Vous êtes bougrement sûr de vous ?» ricana le capitaine Cullen en tournant les talons. Une autre semaine s'écoula, et un matin, George Dorothy, se tenant dans le capot de l'échelle de dunette à l'extrême avant de la longue poupe, faisait sa première inspection. Le Mary Rogers filait grand air, par une fraîche brise, toute voile dehors, même les voiles d'été. Le capitaine flânait sur l'avant de la poupe en observant son passager du coin de l'œil. Debout dans le capot, Dorothy regardait du côté opposé. Seule la tête et les épaules dépassaient, et l'on n'apercevait que sa nuque. Le capitaine Cullen engloba d'un rapide coup d'œil la tête de son passager et la poulie de la grand voile, puis évalua la distance. Il promena ses regards autour de lui. Nul ne le voyait. Josué Higgins, qui se promenait de long en large, venait de tourner le dos et se dirigeait vers l'arrière. Le capitaine Cullen, se penchant tout à coup, arracha de sa cheville la poulie de la voile. L'énorme bloc tournoya dans l'air, écrabouilla en passant la tête de Dorothy, comme une coquille d'œuf, et s'en alla rebondir de ci de là, tandis que la voile claquait au vent. Josué Higgins retourna pour voir ce qui venait d'arriver, et reçut les pires injures du capitaine. « J'avais amarré les coutes moi-même !» geignit le second à la première accalmie. « Il n'y avait qu'un tour supplémentaire pour être plus sûr encore, je m'en souviens distinctement. « Amarré ?» grogna le capitaine, pour le plus grand profit des hommes de quart qui se démenaient afin de rattraper la voile flottante, avant qu'elle se déchire en lambeaux. « Vous ne seriez pas fichu d'amarrer votre grand-mère, espèce de marmiton d'enfer, propre à rien. Si vous aviez amarré cette écoute avec un tour supplémentaire, pourquoi diantre n'aura-t-elle pas tenu ? Voilà ce que je désire savoir. » Par le diable, pourquoi n'a-t-elle pas tenu ? Le second marmonna quelques mots sans suite. Suffit ! Telle fut la dernière parole du capitaine Cullen. Une demi-heure après, il parut aussi étonné que les autres quand on découvrit sur le plancher de l'échelle de dunette le cadavre de George Dorothy. Au cours de l'après-midi, une fois seul dans sa cabine, il maquilla le livre du bord. Un simple matelot nommé Carl Lebrun, écrivit-il, tomba par-dessus bord de la vergue du Cacatois de Misaine. Lors d'un coup de grain. Le bateau filait grand air et, pour sa sécurité, je ne n'osais pas venir debout au vent. D'ailleurs, aucune chaloupe n'aurait pu résister dans la mer qu'il y avait. Sur la page suivante, il continua. J'avais souvent averti M. Dorothy du danger qu'il risquait par sa distraction sur le pont. Je l'avais même prévenu qu'un jour ou l'autre, une poulie d'écoute lui écraserait la tête. L'accident fut causé par le défectueux amarrage de l'écoute de la grande voile. Nous sommes désolés car M. Dorothy était apprécié de tout le monde. Le capitaine Dan Cullen relut avec admiration son élucubration, passa le buvard sur la page et ferma le livre. Il sentait le Mary Rogers se soulever, toucher le fond, puis se relever et filer de nouveau. Il savait que le bateau faisait ses 9 nœuds. Un sourire de satisfaction s'épanouit sur sa face noire et velue. Ma foi, en dépit de tout, il avait fait sa route à l'ouest et s'était joué de Dieu. Jack London.